Chapitre 32 Des Essais de Montaigne, Livre 1. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Lu par Rémi. Essai par Michel Ekem de Montaigne, Livre 1, Chapitre 32 De fuir les voluptés au prix de la vie. J'avais bien vu convenir en ceci la plupart des anciennes opinions, qu'il est heure de mourir lorsqu'il y a plus de mal que de bien à vivre, et que de conserver notre vie à notre tourment et incommodité, c'est choquer les règles mêmes de nature, comme disent ces vieux enseignements. Et zen alupos et thanein eudaimonos kalonto thneskei ois ubrinto zen ferei kreison to me zen istin e zen athlios. Mais de pousser le mépris de la mort jusqu'à tel degré que de l'employer pour se distraire des honneurs, richesses, grandeurs et autres faveurs et biens que nous appelons de la fortune, comme si la raison n'avait pas assez à faire à nous persuader de les abandonner sans y ajouter cette nouvelle recharge. Je ne l'avais vu ni commandé, ni pratiqué, jusque lors que ce passage de Sénéca me tomba entre mains, auquel conseillant à Lucilius, personnage puissant et de grande autorité autour de l'empereur, de changer cette vie voluptueuse et pompeuse, et de se retirer de cette ambition du monde à quelque vie solitaire, tranquille et philosophique. Sur quoi Lucilius alléguait quelques difficultés. « Je suis d'avis, dit-il, que tu quittes cette vie-là ou la vie tout à fait. Bien te conseillais-je de suivre la plus douce voie, et de détacher plutôt que de rompre ce que tu as mal noué, pourvu que, s'il ne se peut autrement détacher, tu le rompes. Il n'y a homme si couard qui n'aime mieux tomber une fois que de demeurer toujours en branle. J'eusse trouvé ce conseil sortable à la rudesse stoïque, mais il est plus étrange qu'il soit emprunté d'Épicurus, qui écrit à ce propos chose toute pareille à Idoménéus. Si est-ce que je pense avoir remarqué quelque trait semblable parmi nos gens, mais avec la modération chrétienne. Saint Hilaire, évêque de Poitiers, ce fameux ennemi de l'hérésie arienne, étant en Syrie, fut averti qu'Abra, sa fille unique, qu'il avait par deçà avec sa mère, était poursuivie en mariage par les plus apparents seigneurs du pays comme fille très bien nourrie, belle, riche et en la fleur de son âge. Il lui écrivit, comme nous voyons, qu'elle ôta son affection de tous ses plaisirs et avantages qu'on lui présentait, qu'il lui avait trouvé en son voyage un parti bien plus grand et plus digne, d'un mari de bien autre pouvoir et magnificence, qui lui ferait présent de robes et de joyaux de prix inestimables. Son dessein était de lui faire perdre l'appétit et l'usage des plaisirs mondains pour la joindre tout à Dieu. Mais à cela, le plus court et le plus certain moyen, lui semblant être la mort de sa fille, il ne cessa, par vœux, prières et oraisons, de faire requête à Dieu de l'ôter de ce monde et de l'appeler à soi, comme il advint. Car bientôt après son retour, elle lui mourut, de quoi il montra une singulière joie. Celui-ci semble enchérir sur les autres, de ce qu'il s'adresse à ce moyen de prime face, lequel ils ne prendront que subsidiairement, et puis que c'est à l'endroit de sa fille unique. Mais je ne veux omettre le bout de cette histoire, encore qu'il ne soit pas de mon propos. La femme de Saint-Hilaire, ayant entendu par lui comme la mort de leur fille s'était conduite par son dessein et volonté, et combien elle avait plus d'heures d'être délogée de ce monde que d'y être, prit une si vive appréhension de la béatitude éternelle et céleste qu'elle sollicita son mari avec extrême instance d'en faire autant pour elle. Et Dieu, à leur prière commune, l'ayant retirée à soi bientôt après, ce fut une mort embrassée avec singulier contentement commun. Fin du chapitre 32.